Chapitre 17. Les hommes d'armes emportent Sir Guillaume, et nulle prison n'étant prête, le jettent dans une écurie. Ils le suspendent par les mains au plus haut du râtelier, de telle manière que ses pieds ne touchent pas de terre, et que tout son corps tire cruellement sur ses bras. Puis ils s'en vont sans même prendre soin de fermer les portes, car ils se mouraient. À peine sont-ils partis qu'Oriente et Isabelle, qui les avaient suivis, se glissent dans l'écurie. Elles y apportent leur pitié, des larmes et une ardente activité. Elles voudraient dénouer ou couper la corde qui suspend leur ami, mais elles n'y parviennent pas et se font reconnaître de lui sans parvenir à le secourir. Oriente le serrant de ses deux bras à la ceinture essaye de le soulever. Vains efforts. Alors Isabelle, se courbant contre terre, presse le malheureux de poser ses pieds sur son dos pour se procurer quelque soulagement. « Ange de mort, lui dit-il avec amour en se ranimant, et c'est elle seule qu'il veut voir. » Mais Oriente n'accepte pas qu'un brouillard, fût-il d'agonie, s'interpose entre aucune âme et son âme de feu, et la rejette au second plan. À la fois tendre et impérieuse, son jeune visage, appuyé contre le cœur de son amant, elle le somme de lui répondre. « Vas-tu mourir en me haïssant ? En souffrant par toi, oui, certes. Dis-moi comment j'aurais pu t'éviter cette souffrance ? Il ne fallait pas me trahir. » Ah, peu importe à Oriente la majesté de la mort. De cette majesté même, elle n'accepte pas les leçons. « Te trahir, dit-elle, et toi, comment ne me tues ton refus, inavoué mais certain de défendre Calath contre tes corréligionnaires chrétiens ? Tu nous avais engagés dans une résistance purement passive, où tu ne voyais à part toi aucun espoir sérieux de succès. Pourquoi ? Ah, je te comprends. Tu ne pouvais pas frapper tes frères chrétiens. Mais à ton tour, comprends ma nature. » Comprends qu'Oriente n'est pas née pour admettre qu'il y ait des vainqueurs qu'elle renonce à s'assujettir. Je ne pouvais pas me résigner à être comme une morte. Il faut connaître ce que sont les femmes, ou du moins leurs reines. Tu peux me demander de ne plus vivre. C'est peut-être le devoir d'une femme de mourir avec celui qu'elle aime. Mais tant que je respire, il m'est impossible de ne pas obéir à la force royale qu'il y a en moi. C'est cette force royale que j'aimais en toi, et c'est d'elle que j'ai souffert et que je meurs. N'espère pas que je n'ai pas déchiffré à la longue tes paroles rusées. Ton visage trompeur est quelque chose d'âpre et de calculé, sous tant de rêves exaltés et tendres. Nul ne peut passer à la portée de ton regard ou de ton imagination, plus étincelante encore que tu ne veuilles te l'assujettir. Que de fois, lumière de ma vie, tu m'as déplu, sans que je cesse de t'admirer et de t'adorer. Personne ne pouvait empêcher que je ne fusse à ta discrétion dès l'instant que je te connus. « À la vie, à la mort » entendis-je alors mon cœur murmurer. « Adieu, visage chéri, et qu'elle soit bénie, celle plus douce que toi dont tu m'as donné le secours. Puissiez-vous avoir l'une et l'autre autant de joie que tu m'as vu de peine. Injuste ami, sache donc, si je t'ai fait souffrir, que je t'aimais dans chacune de mes respirations, dans mes repas, dans mon sommeil, à toutes les minutes les plus humbles de ma vie, aux plus méchantes, si tu crois qu'il en fût. Et quand je ne pouvais être ton bonheur, j'ai voulu être ton tourment, plutôt qu'absente de tes heures. Mais je ne pouvais pas consentir à déserter le premier rang. Adieu, dit-il, voici le moment que nous avons toujours prévu, et tel à peu près que je l'appelais, puisque ton amitié m'assiste. Merci de la coupe de vin que tu m'as donnée, le premier soir de ton chant. Depuis, je n'ai plus cessé de vivre de bonheur et de malheur. Au seuil des ténèbres, je songe qu'entre toutes les femmes d'Asie, la plus précieuse fut mon amie. Par toi, j'ai connu tout l'éclat de la jeunesse, de la douleur et de la joie. Adieu, beauté du monde et raison de ma vie. » Elle l'écoutait, le serrait dans ses bras, le baisait au cœur et chantait d'une voix pressée des serments éternels d'amour. « Prends ton repos en pleine confiance. C'est toi que j'attendais au jardin de l'Oronte avant ta venue et que j'ai reconnu. Toi que j'ai compris ne pouvais pas écarter quand, pour notre malheur, sois béni, tu réapparus, mon amour. Toi qui viens follement de nous perdre, et que jusqu'à ma mort, si je dois te survivre, je conserverai dans mon cœur. Mourir et toi survivre, suivez-moi toutes deux. Nous revivrons nos meilleures minutes dans une fixité éternelle. Ma bien-aimée, sortons ensemble de tout cela, et viens partager mon repos resserré. » Ainsi échange-t-il en paroles caressantes et tragiques les secrets de l'amour et de la mort. Cependant, ils ne sont plus seuls. À la porte, quelqu'un les écoute. L'évêque n'a pu rester dans la salle du festin. Du premier jour qu'il a vu Sir Guillaume, il a compati à ce jeune homme, dont il comprend qu'on lui doit pour une bonne part les âmes de ses sarrasines, et qu'il fût auprès d'elle un avant-courrier de la grâce. Tout à l'heure, il a laissé les chevaliers à leur beuverie. Par les couloirs obscurs, il s'est fait conduire jusqu'au cachot improvisé du malheureux. Et maintenant, la main sur la lourde porte, à demi ouverte, il écoute ses chuchotements, ses plaintes, ses délires qui relient le ciel à la terre. Il entend ces suprêmes paroles de Sir Guillaume à sa maîtresse. « Je désire que ce soit Isabelle qui me tienne la main et me ferme les yeux. Votre visage demeurera sous mes paupières baissées, mais j'ai confiance qu'Isabelle m'assistera, plus sûrement que vous qui n'êtes pas né pour nous détourner, fût-ce une seconde de votre personne. Cependant, je voudrais entendre jusqu'à la fin votre voix, non pas vos pensées qui sont mélangées, mais votre voix toute pleine du ciel où je désire aller. Ce n'est pas vous que j'aime, et même en vous, je hais bien des choses. » Mais vous m'avez donné sur terre l'idée du ciel, et j'aime cet ange invisible, pareil à vous, mais parfait qui se tient aux côtés de votre humanité imparfaite. Adieu, meilleur que moi qui vous juge si durement et vous aime. Adieu, je vais m'agréger dans l'étoile d'où vous venez, à l'éternelle perfection, dont vous êtes une émanation, et toi, ma chère Isabelle, merci. » Le vénérable évêque ne contient pas son émotion plus longtemps. Il se hâte de retourner à la salle des fêtes. Il y raconte au chevalier comment ces deux païennes aident ce rebelle à bien mourir, et déjà lui ont entr'ouvert le ciel. Tout se suit le vieillard. Des porteurs de torches les encadrent et les accompagnent. Ils pénètrent en masse dans la pauvre écurie. Quel spectacle ! Ce jeune homme qui meurt, ces jeunes femmes qui l'assistent, ces visages délicats tourmentés par la fièvre, ces robes magnifiques déchirées et souillées de sang. Isabelle courbée contre terre, qui s'épuise comme une sainte, et comme une bête à soulever ce corps expiré. Orient qui le presse dans ses bras, ce cadavre, ses deux beautés émouvantes comme l'amour et la compassion, tout révélait une crise, un éclatement, le plus haut point d'une tragédie à triple secret. Et ces hommes qui, la minute d'avant, haïssaient ce jeune guerrier, et qui viennent de trouver leur plaisir à le frapper jusqu'à la mort. Quand ils lui voient ces deux consolatrices, s'émerveillent. Ils entourent d'une sorte de respect religieux cette brillante énigme poétique dont ils ne possèdent pas la clé. Leurs pensées s'en allaient plus loin qu'ils n'éprouvaient le besoin de le dire, au moins à leur suzerain. Mais Oriente s'adresse à celui-ci, à l'évêque et à tous les chevaliers. « Que n'aurais-je pas fait pour garder Sir Guillaume à notre œuvre ? Vous vous êtes privé, messire, bien injustement d'un frère, plus malheureux que coupable. » Et l'évêque, « Il ne faut pas détester les morts ni les pleurer avec excès, mais il convient de construire sur leur tombeau. Que celui de Sir Guillaume nous rappelle ses fautes, ses misères et son repentir. Dame Oriente, vous obéissiez à une juste gratitude et à un instinct divin, en cherchant à ramener à la foi celui par qui vous l'aviez d'abord reçu. Près d'ici, dans un monastère élevé par nos soins à tous, nous ensevelirons Sir Guillaume, et c'est vous, noble dame convertie, qui aurez la garde de ses restes. Vous-même, Oriente, après votre mort, vous y trouverez votre repos, et l'on déposera sur votre tombe l'offrande de tout un peuple enfin pleinement converti. » Il fait un geste et tous s'agenouillent sur la paille de la pauvre écurie. Il bénit le corps en récitant les prières chrétiennes que répètent tous les assistants. Puis, avec les chevaliers, il se retire pour que les femmes puissent entonner les lamentations accoutumées. Et c'est Isabelle qui, s'avançant d'un pas dans le cercle funèbre, les ouvre par ce gémissement du poète. « Quand tu auras reçu les hommages du monde toute ta vie, ou que tu auras reposé avec ta bien-aimée toute ta vie, comme ton heure sonnera enfin, il te faudra partir, et ce sera un rêve que tu auras fait toute ta vie. Alors que tu aies été un amant, sincère, ou un autre, Sémiramis, deux ou trois jours s'étant écoulés, il ne restera plus de toi qu'un conte. Eh bien, tâche que ce soit un beau conte à conter dans les jardins de l'Oronte. » Le conteur se tut. On n'entendait plus que le ruissellement des grandes roues hydrauliques, qui n'avait pas cessé, en puisant l'eau du fleuve, de faire à son récit, dans cette nuit claire d'Asie, une orchestration de plaintes, de pleurs et d'extravagances. Nous restâmes quelques minutes encore à écouter cette musique qui flotte depuis des siècles sans arrêt sur Amma. Son plein chant, aussi bien que la magie de ce soir syrien, demeure mêlé étroitement au récit que je viens d'essayer de retracer. Comment exprimer les prestiges de ce poète d'opéra sur un fond de gémissement éternel ? « Allons, me dit l'Irlandais en regardant sa montre, voici 2 heures du matin, il est temps d'aller dormir. » Il logeait à la gare du chemin de fer, dans une chambre que la compagnie tient à la disposition des voyageurs recommandés, et moi j'allais retrouver, sur une voie de garage, le wagon qui m'avait amené. Nous fîmes route ensemble, assaillis de fois à autre par les aboiements de grands chiens que nous dérangions, et continuant à remuer ces images d'amour et de souffrance. « Ah, j'oubliais, me dit mon compagnon au moment de nous séparer, j'oubliais de vous signaler ce qu'à sa dernière page le rédacteur du manuscrit raconte, qu'enfant il a connu la belle Oriente, devenue l'abbesse suzeraine du monastère de Kalat el-Abidine, et qu'il tient son récit de son aïeule, Isabelle la Savante, étant issu lui-même, à la troisième génération, d'un mariage qu'elle fit, peu après la mort tragique de Guillaume, avec un des chevaliers du prince d'Antioche. Charmes, juillet-octobre 1921. »